Vous écoutez France Culture. La radiodiffusion télévision française présente France Culture. Non, une seconde, je compte. Pourquoi faire ? France Culture, 50 ans de radio. Philippe Garbi, Emmanuel Laurentin. Bonjour. Pour cette avant-dernière semaine de notre série d'été, nous allons approcher par petites touches la manière dont France Culture a abordé les domaines de la création. On y entendra donc les échos de la création picturale ou cinématographique, les voix de Jean-Luc Godard ou de Catherine Deneuve, celles de Sophie Cal ou de Marguerite Yourcenar. Et nous écouterons aussi quelques extraits de la création sonore telle qu'elle s'est inventée ici à France Culture. Partons en voyage pour commencer avec trois femmes exceptionnelles, l'architecte et designer Charlotte Perriand, l'écrivain Marguerite Yourcenar et la photographe Gisèle Freund. Toutes trois ont voyagé au loin. Et elles ont été changées par ces voyages, bouleversées, transformées. Alors nous commençons par Charlotte Perriand, l'architecte et designer qui participa au mouvement moderne aux côtés de Le Corbusier. En 1985, elle se confie à Paul Chavas dans une série d'entretiens en 8 volets. Dans l'un des épisodes, Charlotte Perriand évoque longuement son voyage au Japon au tout début de la Seconde Guerre mondiale et la découverte forcée de ce pays. Charlotte Perriand ou l'art d'habiter, une suite de 8 entretiens avec Paul Chavas. Aujourd'hui, 5e entretien. Dans le précédent entretien, Charlotte Perriand nous a raconté qu'elle avait été invitée au Japon en 1940 par le ministère du Commerce et de l'Industrie afin d'orienter l'art industriel. C'était mon premier contact avec le Japon, mais avec l'Asie. Et pour la première fois, j'ai compris que notre mode de pensée cartésien n'avait pas cours là-bas et que, mon Dieu, il n'était pas seul au monde et qu'il y avait d'autres manières de penser. Et ça, c'est une très, très, très grande leçon. Peut-être la plus grande. Contraste. Tout rouge, un fruit sur la gelée blanche du matin. J'ai l'impression, Charlotte Perriand, que chez vous, l'intuition a une très grande part et que justement, à cause de cela, vous vous êtes peut-être sentie assez bien en Asie. Je me suis sentie tout à fait bien en Asie parce qu'en effet, c'est un peuple très intuitif. Je n'ai pas eu de difficulté du tout. Là-bas, on emploie une expression, je me suis tatamisée, en quelque sorte. Je me suis faite autant que possible japonaise, tout en sachant fort bien que je ne l'étais pas. Et nous en arrivons donc à la raison pour laquelle on vous a appelé là-bas, puisque le ministère du Commerce et de l'Industrie du Japon vous avait demandé de venir en tant que... Eh bien, il m'avait demandé de venir. Sur le moment, je ne savais pas très bien quelle était ma fonction, mais en fait, c'était pour les orienter pour l'art industriel. Je pourrais presque dire aussi occidental, pour l'art d'exportation peut-être, n'est-ce pas, en fin de compte. Le programme était ainsi fait. J'avais 3 semaines dans une province et 8 jours à Tokyo. Bien sûr, j'avais toujours Sakakura qui veillait sur moi comme un grand frère. D'abord, il avait une peur bleue que je fasse des blagues, pour commencer avec mon foutu caractère. Et en même temps, pour me guider et m'orienter. Je devais visiter les préfectures, c'est-à-dire toutes les préfectures avaient une vitrine d'exposition où les produits de l'artisanaux ou industriels de la préfecture étaient exposés. je devais d'abord donner mon avis sur ce que je voyais d'exposé. Et ensuite, je devais aller chez les principaux artisans, s'il y avait des écoles aussi, dans les écoles, et puis répondre à toutes les questions que l'on pourrait bien me poser. Il y avait des fabricants de bambou, il y avait des fabricants de tissus. C'est-à-dire que le Japon a des lieux, mais comme partout ailleurs, il a des lieux très différenciés. Dans un lieu, on produit telle sorte de laque, dans un autre, telle sorte de bambou, dans un troisième, telle sorte de tissage, etc. Et puis, ils ont les écoles d'art et d'art appliqué. Alors, j'ai rapidement senti que parler, ça signifiait pas grand-chose, et j'ai demandé de faire une exposition. D'abord, qu'on centraliserait le tout à Tokyo, que je ferais une sélection de ces produits. Et cette exposition, je l'ai appelée « Tradition », puisque je partais de leur tradition. « Sélection », puisque je sélectionnais des bonnes choses quand elles étaient bonnes et pouvaient bien nous servir. Et « Création », quand j'amenais à la création. Moi-même, j'ai fait certaines créations. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de produits d'usage à l'occidental. Car je me suis rapidement rendu compte qu'on ne peut pas créer si on ne connaît pas l'usage. Or, l'usage japonais, eh bien, qu'est-ce que c'était ? C'était tout à fait différent de nous. Il n'y a pas de fourchette, il y avait des baguettes. Il n'y a pas de chaises, elles sont par terre. La cuisine est différente. La manière de vous présenter les plats n'a rien de commun. Enfin, etc., etc. Il aurait donc fallu que j'ai en poche un film de la vie à l'occidental pour permettre une création en connaissance des gestes. C'est là où je me suis rendu compte que le conseil, surtout qu'ils attendaient de moi, c'était un conseil pour les orienter pour un art que j'appelle d'exportation. Timidité. Et toi, quel âge as-tu ? Demandai-je à l'érable. Ouvrant une main, il rougit. Ce Japon que vous avez vu avec une mission officielle, avec une grande curiosité personnelle, que vous a-t-il apporté ? Qu'avez-vous vu dans la façon de vivre ? Vous qui êtes une spécialiste de l'équipement de la maison, de tout ce qui touche à la vie. La chose la plus étonnante pour moi, enfin et pour tous ceux... Même Gropius, quand il est venu, ça a été le même choc. C'est la maison traditionnelle japonaise. Ce sont des maisons de bois, de papier et de paille. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le problème se pose très différemment. Mais on a dit aussi que le Japon avait influencé l'art moderne. Moi, je dis non, il y a eu une rencontre. Il n'y a pas eu influence, il y a eu rencontre. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les maisons traditionnelles japonaises ? Une normalisation très poussée que nous n'avons pas en France, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, même dans nos recherches. C'est une maison sans architecte, mais avec des bases immuables. La mesure de base, c'est le tatami. Il y a dans tout le Japon, il y a deux dimensions de tatami. C'est tout, et c'est toujours les mêmes. Quand vous louez une chambre à l'hôtel, vous louez 6 tatamis, 8 tatamis, 10 tatamis, 20 tatamis, vous faites une réception, 50 tatamis. C'est une maison à façade libre et à plan que l'on peut presque dire libre. Ce sont des poteaux de bois et pris en architecture, et correspondant à ces poteaux, il y a des rainures qui permettent de mettre des cloisons amovibles. En papier, mais c'est un papier très résistant, très beau, enfin ça n'a rien à voir avec nos notions de papier. Première notion, c'est la flexibilité. La flexibilité d'avoir une pièce réduite ou au contraire un peu plus grande ou au contraire un vaste espace pour faire des réunions. La façade est libre également, car vous avez des parties de papier translucide que vous pouvez lever. À ce moment-là, sur 4 panneaux coulissants, vous pouvez lever un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux, ce qui vous donne un contact avec l'extérieur différent. Et si vous n'avez pas d'espace, vous le reconstituez. Vous reconstituez le monde dans un petit carré en mettant au bon endroit un caillou, qui fait que votre œil, se portant dessus, va bondir sur l'infini. Autrement dit, vous vous rattachez au cosmos. Ou vous avez un paysage devant vous, ce qu'on fait d'une villa impériale, et vous remodelez ce paysage par rapport aux collines lointaines, et c'est toujours par rapport à l'infini, par rapport au vide. Le vide est la philosophie zen japonaise, et dans le vide seul, le mouvement est possible. Et ce vide existe à l'intérieur de la maison. Et ce vide, puis c'est une philosophie, n'est-ce pas ? Ce qui, pour eux, est une philosophie d'être, pour les Occidentaux, c'est une indigence. Ça montre la différence des rapports, au fond. Et en même temps, la poésie est toujours présente, forcément, ça ne peut pas être autrement. Et le shakun aussi, qui est la mesure japonaise, et j'ai fait des repérages, eh bien, c'est le rapport avec l'homme. C'est comme la coudée égyptienne, c'est comme le pied-pouce. Le shaku, c'est la même chose. Donc, il y a une harmonie de mesure de l'homme par rapport à son environnement. Et Le Corbusier l'a recherché dans son modulor. Et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans nos constructions d'aujourd'hui ? C'est que dans la plupart de ces constructions, il n'y a plus aucun rapport. Il y a la répétition d'un seul chiffre, c'est 1 mètre, ou c'est 80, ou c'est 90, mais ce n'est pas un rapport. Donc l'homme n'est pas en harmonie avec son environnement et avec ce qu'il construit autour de lui. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui on est mal à l'aise dans beaucoup de constructions nouvelles. Est-ce une raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus à l'aise sur des constructions, par exemple, de belles maisons paysannes dans les campagnes, mais elles étaient également, elles ne répondaient pas aux maîtres, elles avaient leurs mesures harmoniques. Ça n'était pas le système métrique, qui est un système très pratique, mais qui n'est pas un système harmonique. D'où je reviens encore au modulor de Le Corbusier. Le standard conduit à la perfection, c'est la chose que je me suis permis d'affirmer, et le standard, c'est donc de reconnaître des éléments permanents dans des choses. Et c'est la recherche de ces éléments permanents nous met en travers de la route l'homme, la présence humaine. Et ça, c'est encore un phénomène révolutionnaire d'oser prétendre que les choses, que de nos agissements, sont destinés aux hommes. Alors, parlant standard, production en série et mass production pour que tout le monde en ait son compte, n'est-ce pas ? J'ai été conduit à rechercher au cours de ma vie des mesures de nature harmonique et d'essence mathématique. Et c'est encore un mot épouvantable, ça tue la poésie, paraît-il, alors que c'est l'essence même de la poésie. Et des mathématiques, j'ai été conduit vers 1942 à formuler la nécessité d'une mesure harmonique, d'une gamme de mesures harmoniques. Et c'est devenu un jour le modulor, vers 1945, et je l'ai montré à Einstein, à Princeton, qui en a été très satisfait, qui m'a écrit le soir même une formule qui m'a enchanté. Il a dit qui rendra le mal difficile et le bien facile. Pour un mathématicien, c'est pas mal comme réponse à portée de tout le monde. Et alors ce modulor, qui est créé depuis cette époque-là, fait l'objet de mon petit émerveillement personnel tous les jours. Nous travaillons à l'atelier avec ça depuis longtemps. Dans le monde entier, d'ailleurs, on s'est mis à travailler avec ça. Et c'est une source intarissable d'étonnement de voir qu'une gamme de mesures, un piano accordé, un clavier accordé de mesures à l'échelle humaine, est une innovation sensationnelle, ça ne s'est jamais fait. Sauf qu'autrefois, il y avait les coudées, les pieds, les empans, les pouces, tout ça qui était à échelle humaine, mais ça n'était pas géré par une loi mathématique. C'est une chose importante et qui ouvre à l'industrie des chemins énormes, illimités. Vous n'êtes rentré en France qu'en 1946. Qu'avez-vous fait pendant ces 5 années ? Bon, grâce à vos amis, vous aviez la présence amicale, vous aviez la possibilité matérielle de vivre, mais ça ne doit pas vous suffire. Eh bien, j'ai profité de ce temps-là, d'une part, pour faire le livre de ce que j'avais pu faire au Japon avec Sakakura, qui a été publié en France. Au Japon, non, au Japon. Et ensuite, eh bien, j'ai continué, malgré les grandes difficultés, à me promener dans le Japon, à mieux connaître le Japon, en quelque sorte, tout en faisant des démarches, bien sûr, pour essayer de profiter du premier bateau d'évacuation pour rentrer en France. Mais ça, c'était un rêve, parce que les Français étaient considérés comme neutres, et pour rentrer en France, il aurait fallu un bateau de neutres, et il n'y en a pas eu. Alors, à un moment donné, mes amis m'ont dit qu'ils savaient que c'était sans espoir, qu'il n'y avait plus qu'une formule si je voulais sortir du Japon, c'était de me faire appeler par l'Indochine, par l'ambassade, que ce n'est qu'avec une invitation officielle que je pourrais quitter le Japon. Vous voilà maintenant en Indochine, pour un temps bien sûr indéterminé. Il y a la guerre un peu partout dans le monde. Et oui, j'arrive en Indochine et donc j'avais été invité par l'éducation nationale, les Beaux-Arts enfin. Mais je n'avais aucune envie d'entrer aux Beaux-Arts pour donner des leçons. Ça ne m'allait pas du tout. Après ma mission japonaise, vraiment... Et je pensais, parce que l'Indochine manquait vraiment de tout, c'était la guerre, elle était coupée de tout. Et par exemple, des objets usuels manquaient ou autres. Et j'ai pensé que je pouvais être utile en allant voir les artisans, là encore, et en essayant d'orienter sur une production d'usage courant. Ça avait aussi un autre avantage. C'était celui de me mettre en contact avec la population, et c'était ce que je voulais. Donc j'ai vu des villages, j'ai vu des artisans, il y avait d'anciennes... Ces villages tonkinois sont très attachants. Ils se cachent dans des haies de bambou, autour il y a les grandes rizières, et à l'intérieur de la haie de bambou, eh bien, il y a toute la vie, il y a toujours la mare. La mare est un plan d'eau dans lequel tout se fera, on lavera la salade, les petits, les dents, je pense aussi, et... Exceptionnellement, dans un des villages, il y avait des marionnettes d'eau les soirs de pleine lune. Autrement dit, beaucoup, beaucoup de poésie. Et lorsque je me suis trouvé en Indochine, au moment où tout croulait, car on peut dire tout croulait à ce moment-là. C'est-à-dire vers les années 42 ? 42, 43. J'ai eu un besoin de créer de la vie. Enfin, faute de créer, j'ai créé de la vie. Et je me suis mariée et j'ai fait une charmante petite apsara, disait-on. Apsara, ce sont les jolies figures sur les temples d'Angkor Wat. Et à partir de ce moment-là, eh bien peut-être ai-je perdu ma liberté et suis-je devenue vulnérable, ce que je n'étais pas jusque-là. Il y avait déjà des tensions avec le pays même, avec les Annamites même. Moi, j'étais à Saigon, chez des amis, chez les Ségalènes. Mais on était plusieurs familles hébergées dans la même maison. Et il y a eu des émeutes, notamment la première avant la cité Héros, où un beau soir, tout à coup, il y a eu un coup de feu. Et toute la foule s'est précipitée en face sur la maison européenne. Donc nous avons baissé les volets de notre demeure. Nous avions hébergé des Australiens qui étaient libérés. Et nous sommes montés avec une échelle dans une soupente. Les Australiens ont enlevé l'échelle. Et ensuite, ils ont ouvert la porte aux émeutiers qui sont rentrés, ont tout démoli. Et moi, avec Pernette, Ségalène, avec ses enfants, nous étions en haut à retenir notre souffle entre deux poutres, à espérer ne pas être découverts. Je pense que s'ils avaient découvert cette trappe et monté, je ne suis pas sûr que je n'aurais pas étranglé ma fille pour qu'elle ne voie pas ça. Extrait de Charlotte Perriand ou l'art d'habiter par Paul Chavas. Première diffusion sur France Culture, 12 mars 1985. À quoi sert de voyager quand on est un écrivain ? À recueillir des images, des sensations, bien sûr, mais aussi à faire le pas de côté qui transforme votre regard. En 1984, dans une série d'émissions du programme musical de France Culture, l'écrivain Marguerite Ursenard confie à Jacques Arouan et Bruno Franc son goût pour la musique noire, le negro spiritual et le blues, bien sûr, mais aussi pour les musiques et les chants de la Grèce contemporaine et de l'Inde d'aujourd'hui. Chants, hymnes et musiques qui lui permettait, disait-elle, de mieux comprendre l'Antiquité de l'Empire d'Adrien. Nous irons ce soir en Inde en votre compagnie, mais comme vous dites volontiers que l'Inde vous a éclairé au sujet de la Grèce, un détour par l'Orient s'impose. J'ai infiniment mieux compris la musique des temples grecs, la manière dont les Grecs considéraient la musique et la danse, depuis que je connais l'Inde, et j'ai envie de conseiller à tous les hellénistes de faire un tour en Inde avant de parler des différentes manifestations de la danse ou de la musique en Grèce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément ce séjour en Asie vous a éclairé sur, disons, une partie de la culture grecque ? À quel point de vue ? Mais précisément parce que je l'ai vue vivante. Parce que quand on lit un poème de Pindare dans lequel on apprend que un certain général dont le nom nous importe peu, ayant gagné une victoire dont le nom également nous importe peu, a offert au temple de Corinthe 100 jambes de femmes, il veut dire 50 femmes, qui étaient des danseuses. Oui, qui étaient aussi des courtisanes, bien entendu, il veut gagner sa vie de toutes les façons qu'on peut. Mais enfin, on comprend mal parce qu'on voit mal. On ne se figure pas exactement à quel moment se situaient ces danses et ce qu'elles dansaient, etc. Quand on voit les danses sacrées qui existent encore dans le Sud, et que je veux dire, j'ai peu vu parce que je ne suis pas allé à Madras ou à Calcutta, mais dont on m'a beaucoup parlé, on comprend mieux comment les choses se passaient. Et en Thaïlande, naturellement, dans les grands hôtels et un peu partout, on vous montre des danses thaïlandaises, que vous savez, le ballet avec les pieds posés d'une certaine manière, les mains incroyablement souples, des filles d'âge très jeunes, généralement. Et on sait très bien, on est très content. Mais enfin, c'est tout de même des choses qu'elles ont apprises à l'école de danse, qu'on offre à des étrangers. On n'est pas transporté dans un autre monde. Mais un soir, l'avant-veille de mon départ de Bangkok, je me suis trouvé dans le plein centre de la ville, quelque chose comme du côté des Galeries Lafayette, si vous voulez, une place publique par là. Et il y avait des filles qui dansaient dans une espèce d'enclos à la hauteur de cette table. Et il y avait une petite chapelle très éclairée, très ornée de fleurs, que j'ai cru d'abord en l'honneur du Bouddha. En réalité, on ne savait pas très bien, ni même eux, je crois, si c'était un Bouddha ou un chaman, un sorcier guérisseur. Et il y avait tout autour une espèce de brasier qui brûlait, tout le monde apportait de l'encens, les petits-enfants allumaient des bougies et quelquefois les éteignaient pour s'amuser immédiatement. Et des offrandes de toute espèce de choses. Et il y avait des gens aussi qui sortaient des boutiques, enfin des passants, de tout le monde. Et il y avait ces quatre filles qui se tenaient par là, dans ces ravissantes robes qui découvrent la taille, n'est-ce pas, la belle peau brune, très lisse, et qui sont très ornées, et avec cette coiffure ornée et tremblante qui ressemble à une tiare. Et elle se déplaçait du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Elle s'agenouillait pour prier, et puis elle se relevait pour danser, elle se re-agenouillait, et puis elle passait à un autre coin de l'horizon. Tout ça dans un cercle assez petit. Sur cette place, on voyait des camions, des automobiles, des autobus, de tout. C'était la nuit, du reste. Et même l'une d'elles m'a très gentiment poussé, comme ça, en me disant qu'il lui fallait plus de place pour s'agenouiller et pour danser. Et j'ai appris que c'étaient les fidèles qui, quand ils ont quelque chose à demander au dieu ou au chaman, et, ou bien au contraire, quand ils ont reçu quelque chose, font danser ces jeunes filles qui ont l'air d'avoir 15 à 16 ans. Eh bien, on comprend mieux alors l'offrande des 50 jambes de femmes. Et de la même chose pour le drame grec. En fait, dès qu'on a vu les pantomimes sacrées, ou même entrevu les pantomimes sacrées de l'Inde, on comprend mieux ce qu'est le départ du théâtre grec. Car enfin, quand nous jouons des pièces grecques à la Comédie-Française ou partout, nous voyons trois messieurs et trois dames vêtus de péplos, authentiques ou non, debout, qui font de longs discours. Et en général, sans musique. Or, la musique joue un tel rôle dans la danse grecque que le premier tragique grec dont nous n'avons plus que deux lignes, Phrynichus, qui a commencé juste durant l'enfance d'Eschyle, les seules deux lignes que nous avons d'huit, c'est « Je connais autant de figures de danse que la mer dans la nuit a de flots orageux. » Ce drame était une danse. Et même ces odes de Pindare qui ont, dans lequel, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais moi-même étudiante de grec, qui représentent quelque chose, une espèce de pénible mot croisé de mots pour un étudiant moderne, étaient dansés. Je connais un musicien américain qui s'efforce, qui est un helléniste, et il croit qu'il peut tout au moins présenter des hypothèses en se servant, ce qui est très intéressant, de la prosodie très compliquée. Par exemple, des odes de Pindare. Et l'ode de Pindare se divise en trois morceaux. Il y a la strophe, il y a l'épode et l'antistrophe. Et il est persuadé que l'épode était une scène de danse mimée, presque un drame, et que le rythme même prouve enfin qu'on des évolutions plus ou moins lentes, plus ou moins rapides. Par exemple, il y a une épode de Pindare admirable dans laquelle un jeune homme se promène au bord de la mer en appelant l'aide du dieu de la mer, de Poséidon, pour lui donner des chevaux pour aller à la bataille. Et il pense que c'était une danse, une longue allée et venue, et qu'ensuite on imitait la rapidité des chevaux. Ça, je ne garantis rien. Nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons à peine quelques mesures de la musique grecque, du drame grec. Nous avons deux ou trois mesures de l'Orestie et des odes qui ont précédé le théâtre. Qui ont eu leur moment de grandeur et de vogue en même temps ou peut-être presque avant le théâtre, nous n'avons rien. Nous avons les poètes lyriques qui parlent énormément de musique. Par exemple, nous avons la poésie de Sappho, dans laquelle elle semble avoir été particulièrement musicienne. Et énormément de ses chants parlent des effets musicaux, de ses projets musicaux. Elle avait, comme on sait, une école de jeunes filles qui dansait et chantait avec elle, et très souvent c'était pour des noces. Les grandes fêtes de musique semblent s'être données au moment de grandes noces dans les îles, dans les villages. Elle amenait avec elle son personnel de danse, qui dansait elle aussi des espèces de mimodrames, l'histoire d'Andromaque et d'Hector, par exemple, des choses de ce genre-là, dont on n'a plus que de très minces fragments. Mais en voici par exemple deux lignes. « Venez, amis bien-aimés, cessons maintenant de chanter, car bientôt il fera jour. » Et je suis presque disposée à penser que c'est un chœur de mariage. Les mariés ont été mariés dans la journée, ils sont partis, ils sont rentrés en tout cas dans leur chambre, et les familles, les invités, c'est-à-dire le village tout entier, va danser ou regarder danser toute la nuit jusqu'à l'aube. Et très souvent, nous avons dans la poésie grecque cette notion de la musique chantée, ce qui est si beau, par tout le monde. Car il y a les peuples où on écoute la musique, et il y a les peuples où l'on chante. Et les Grecs ont été un peuple où l'on chante. Autre ligne de Sappho, « Apporte ta guitare et viens ce soir ma rose. » Et ainsi de suite. Mais c'était un usage que dans les festins, chaque invité chantait et qu'il se passait à tour une branche fleurie et chacun chantait une chanson, on la passait à l'autre. Et nous avons quelques-unes de ces chansons, pas beaucoup, Et il y a parfois des chansons de guerre, presque, enfin des chansons patriotiques. Il y en a d'autres, même satiriques. Et nous ne savons pas du tout sur quel air ça se jouait. Sa seule chanson dont nous ayons le texte entier, elle est très courte, c'est celle-ci, le scolion de Seikilos. « Lorsque sur toi brille le jour, ne pleure pas, livré au deuil, car le temps est court et le seuil est bientôt franchi sans retour. » Ça doit ressembler encore beaucoup aux chansons des Iliniennes de notre époque. Et nous avons aussi des chansons d'enfants qui également doivent ressembler beaucoup aux chansons d'enfants de la Grèce moderne. Et alors se passe, pour la Grèce antique, ce moment d'affaiblissement de la musique dans la conscience populaire, où on va encore au théâtre écouter des drames, où il y avait évidemment des morceaux de musique en quelque sorte sacrés, qu'on jouait, qui étaient restés célèbres, comme certains airs de Ripide, tellement aimés qu'il a permis quelquefois à des prisonniers de se sauver, parce qu'au lieu de les massacrer sur le champ de bataille, on a appris qu'ils étaient musiciens, et on leur a en tout cas accordé la vie, comme par exemple pendant la guerre de Sicile. Mais avec la conquête romaine et tout ça s'affaiblit beaucoup, le rôle de la musique s'affaiblit au théâtre. Même chez Euripide, les chœurs sont un petit peu comme, j'ose dire, déjà comme nos chœurs d'opérette, c'est-à-dire très séparés du sujet, enfin des petits interludes très souvent. Et puis alors vient ce grand moment de la musique byzantine. Et ça, je ne suis pas du tout qualifié pour en parler. Ce qui me stupéfie toujours, moi qui me tend la musique russe, la musique d'église russe, le slavon d'église, et aussi la musique liturgique grecque, c'est ce changement. Un peuple qui arrive jusqu'à l'extrême limite, n'est-ce pas, de la poésie individuelle, de la poésie sensuelle, comme nos blues, si vous voulez, de la poésie savante, et puis qui, tout d'un coup, tombe dans cette grande musique et cette grande poésie abstraite, austère, sévère, qui est celle de l'Église byzantine. Comment le changement s'est produit, sous quelles influences? Sûrement orientales, parce que l'Empire s'orientalisait de plus en plus, l'Empire byzantin. Ça, nous ne le savons pas. On a l'impression que les Slaves, ensuite, y ont ajouté encore une ardeur qui n'était qu'à eux, et qu'on sent dans les liturgies russes. Thank you. Et puis alors, en Grèce, qui a survécu d'une façon surprenante, ce sont les chansons de Palicare, c'est-à-dire les chansons des hommes de la montagne, qui ont été les hommes des guérillas contre les Turcs. Et alors, bien entendu, un élément patriotique s'est mêlé à ça. Et les vieilles ballades de guerre ressemblent un peu comme en Écosse ou en Irlande. Les chansons de mariage, les vieilles chansons qui doivent remonter au vieux passé grec, probablement presque plus ancien que les dieux de l'Antiquité. Et d'autre part, il y a eu cette espèce de dichotomie. Il y a eu dans les îles ioniennes, qui à mon avis ce sont les plus belles, les chansons influencées par la musique turque, dans lesquelles les amans, une espèce d'infinie tristesse, une espèce de gémissement, d'un cri poussé, très souvent le chanteur lève la main et jette la tête en arrière, qu'on trouve aussi dans la musique arabe. Tandis qu'au contraire, les chansons des îles où j'ai pas mal vécu sont influencées par la musique, bon, je dirais même napolitaine, par la musique de l'Italie toute proche. Elles sont plus légères, plus gaies, plus dansantes, et c'est tout autre chose. Extrait de Marguerite Yourcenar, Les musiques des hommes, musique de Grèce par Jacques Erwan. Première diffusion sur France Culture le 18 janvier 1984. Voyager pour mieux connaître, mieux comprendre, mieux créer. Pour la série d'émissions Mémoire du siècle, qui pendant une bonne douzaine d'années rassembla le témoignage de plusieurs centaines d'acteurs de la vie politique, sociale et culturelle du XXe siècle, Dominique Rousset rencontre en 1985 la photographe Gisèle Freund. Celle qui était surtout connue pour ses portraits d'écrivains raconte avec plaisir et amusement ce qu'elle a retiré de longs voyages en Amérique du Sud et plus particulièrement dans l'Argentine d'Evita Perón. Est-ce qu'il vous semblait, Gisèle Freund, que la photo couleur livre davantage du visage des écrivains? Car il y en a quelques-unes parmi les vôtres qui sont tout à fait impressionnantes à ce sujet, c'est-à-dire le grain de la peau, la couleur, même le décor que vous choisissez autour. Parce que qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux? Vous voyez, tout est en couleur. Et alors, quand les gens disent « Ah, c'est beaucoup plus joli en blanc et noir », c'est une idée, parce que c'est déjà complètement abstrait. Mais la logique des choses serait qu'on a la photo en couleur, parce que nous voyons avec nos yeux tout en couleur. Et j'ai comme ça réuni assez vite pas mal de portraits, et tous les écrivains étaient enchantés. Mais un jour, juste avant la guerre, un soir, Adrienne a dit, il faut montrer tes photos aux écrivains. Alors, on a loué des chaises, et puis Adrienne a soigneusement couvert tous ses livres avec du papier noir, parce qu'il y avait aussi des gens qui aimaient faire disparaître les livres. Et alors, on a pris un écran, et puis j'avais un projecteur tout à fait vieux jeu, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai projeté les photos à 2 mètres de hauteur, vous savez, la grandeur de la photo. Qui y avait-il dans la salle? Alors, il y avait dans la salle Valérie, il y avait la petite dame, c'est-à-dire Madame Rosselberg, l'amie de Gide, avec sa fille Catherine Gide. Il y avait Breton, il y avait... Tous les surréalistes étaient là. Aragon était là avec Elsa Triolet. Il y avait Jean-Paul Sartre avec sa mère. Et Simone de Beauvoir qui le dépassait d'une tête, qui n'avait encore rien publié, rien écrit. Il y avait, je ne sais pas par qui, mais il y avait aussi des gens. Il y avait Paulhan aussi. Il y avait Jean Paulhan. Il y avait Édouard Dujardin. Il y avait, attendez, Joyce. Il y avait je ne sais plus, il y avait aussi des gens de la haute société, la princesse de Noailles, et il y avait des tas de gens, de tous les milieux. Il y avait Mauroy, il y avait Mauriac, il y avait Léon-Paul Fargue, etc. Il y a vraiment... Et vous les aviez presque tous photographiés, le jour de la... Tous ces gens, j'avais photographié. Oui. Donc et la projection débute. Quand ils ont vu la projection, alors un a écrit « Ah, mais Duhamel, tu aurais dû te raser mieux, on voit toute ta barbe. » Et Mauroy m'a dit « Ah, si vous m'avez seulement photographié avec mon uniforme d'académicien, c'est tellement plus photogénique que moi. » Et ainsi fusaient les critiques. Et les gens ont aimé, les photos étaient magnifiques, sauf la leur, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, ils se trouvaient affreux. On voyait tous les détails. Naturellement, je n'avais pas utilisé la retouche. Et puis, je n'ai pas fait le flou. Et ils étaient atterrés. Et Jean Cocteau a écrit « Oh mon Dieu, que je suis laid et que regardez-moi ces rides. » J'ai l'air complètement, triste. Et ainsi de suite. Je ne me souviens pas d'un seul écrivain qui aimait vraiment sa photo. Vous aviez même, je crois, certains écrivains qui ont refusé d'être pris en photo. Vous citez Roger Martin Dugard qui vous avait... Ah mais ça c'est autre chose, il était malade. Il était déjà paralysé, il vivait à Vichy. Et il a envoyé un télégramme, merci, impossible, madame photographe, fasse voyage. Préfère emporter gueule dans tombe sans laisser trace. Amitié. Martin Dugard. Alors, j'ai photographié le télégramme que j'ai projeté. Ce soir-là. Alors, ça, tout le monde a rigolé. Et puis, Thériade était l'éditeur de la revue Verve, une des plus belles revues d'art qu'on a jamais fait en France. Et il m'a dit, vous savez, vous les avez eues une fois par surprise. Vous ne les aurez plus jamais. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont tout été... J'ai photographié des gens comme Sartre à travers toute sa vie, Malraux à travers toute sa vie, et beaucoup de ces écrivains, je les ai photographiés pendant 40 ans. Et c'était jamais une question d'argent pour moi. Et je me suis jamais, j'ai jamais cru que ça avait la moindre valeur. Seulement en 68, un mois avant la Révolution, le conservateur de l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris, m'a dit « Écoutez, Gisèle, personne n'a jamais vu ces portraits. » Oh, j'ai dit « Mais ça n'a aucun intérêt, ça n'intéresse personne. Je n'ai même pas donné un magnum, c'est invendable. » Et pour moi, c'était mon plaisir. Si, si, moi, je veux voir ça. Alors, je dis, je vais faire cette exposition dans le noir. Comment dans le noir? Je dis, sous les projecteurs. Quel projecteur? Je dis, les projecteurs, on voit juste l'image. Ah, il n'avait pas, on n'a pas d'argent, et débrouillez-vous. Enfin, j'ai fait ça, comme ça. Et puis, j'ai, dans la salle à côté, j'avais un énorme écran, et j'ai projeté les photos sur l'écran avec un texte que j'avais enregistré, et puis une petite musique de fond de Stravinsky. Ça a eu un succès fou, les jeunes se sont écrasés parce que c'était pas ennuyeux du tout. Seulement un jour, je vois dans la salle où on projetait et j'entends quelqu'un ronfler. C'était le gardien qui s'était endormi dans le noir. Je dis, écoutez, réveillez-vous. Et seulement... Il avait des excuses, il avait dû l'entendre un certain nombre de fois. Oui, voilà, bien sûr. Et j'avais un livre, on a écrit, tous les écrivains ont écrit un petit mot là-dedans. Mais on me l'a volé. Je sais aujourd'hui qui l'a fait. C'est quelqu'un de la ville de Paris, parce que quand ils sont venus, ces messieurs, pour la première fois, ils comprenaient quelque chose. C'est très réaliste, des portraits. Avant, on leur a donné les choses abstraites. Ils ne comprenaient rien. Et ça, alors, c'est magnifique. Je dis, merci, monsieur, vous avez été extrêmement généreux. Je vous remercie pour le papier que vous avez payé pour fermer les fenêtres, la lumière. On ne m'a jamais pardonné ça. Non. Ils étaient furieux. Parce que, naturellement, ça demandait toute une installation, ces projecteurs, tout ça. Mais Leitz m'a prêté un appareil automatique, une autre firme m'a prêté autre chose. Et c'est comme ça qu'on a financé ça, parce que les musées n'avaient presque pas d'argent. Ce qui est intéressant, Gisèle Freund, dans ces portraits d'écrivains que vous faites, et vous faites bien de dire que c'est une collection, qu'au départ, c'était vraiment par goût, par amour de la littérature et par amitié aussi pour tous ces personnages. Car mon intérêt dans les visages humains. Et dans votre intérêt visage humain, et parce que aussi, vous n'avez photographié que des gens que vous aimiez. Vous allez nous en reparler de ça, c'est très important pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que vous avez observé le voyage comme ça de ces gens à travers leur époque et à travers leur œuvre aussi. Par exemple, ce portrait de Malraux, si célèbre, lorsqu'il est jeune, sur votre terrasse, Malraux que vous avez refotographié de nombreuses années plus tard, et sur lequel on voit, c'est un peu difficile pour lui, mais on voit vraiment passer les années, les douleurs et la vie entière. Et ça, c'est un aspect très important, que vous ayez pu retrouver ces personnages à des périodes différentes de leur vie. Sartre aussi, vous avez plusieurs photos. Ils sont restés mes amis. J'ai photographié et sur lequel vous avez observé comme ça le voyage du temps. Dans mon nouveau livre, j'ai 5 photos de Malraux faites pendant 40 ans qui sont symboles pour sa vie. Et c'est dur, bien ça. Bien sûr qu'il n'a pas aimé la dernière photo parce qu'il avait les visages détruits. Mais il n'a rien dit. Seulement, il a toujours dédicacé ses livres en souvenir des cheveux au vent parce que c'est d'ailleurs sa très photo, c'était sa photo préférée, il l'aimait. Eh bien oui, c'est toujours la préférée de tout le monde, parce qu'on est rien quand on est jeune. Et c'est extrêmement difficile de vieillir. Seulement, ce que les écrivains aussi, ils ont peur, parce que la seule chose qui les relie au public, c'est leur visage. C'est pour ça que les éditeurs mettent presque toujours le visage de l'écrivain du livre sur le dos du volume. Parce qu'on est curieux de connaître celui qui a écrit. Parce qu'on est curieux de voir le visage de celui qui a eu des idées. Aujourd'hui, c'est plus facile à faire, mais à l'époque. À l'époque, on était très curieux de tous ces écrivains. Mais on est toujours très curieux. Et encore aujourd'hui, tous ces livres sont couverts de photos sur le dos par de l'auteur. Mais l'auteur a peur, il veut bien paraître. Et alors, il y a là une chose psychologique qui entre. Et je me suis beaucoup occupé de cette question. Parce que quand nous nous regardons dans un miroir, d'abord, on se voit à l'envers. Deuxièmement, on voit son visage, mais on voit en même temps sa personnalité. Parce qu'on se dit, au fond, je ne suis pas méchant, je suis bon. On se donne beaucoup de qualités parce qu'on se connaît. Mais les autres ne vous connaissent pas. Ils ne voient que l'extérieur. Et alors, et l'extérieur ne correspond pas toujours, n'est pas écrit sur votre front. Vous êtes un brave type parce qu'aussi nous portons un masque. Nous ne voulons pas montrer nos émotions. C'est-à-dire, la vie nous oblige de porter un masque, de cacher nos émotions. Parce que la vie est trop dure, alors on ne veut pas se trahir. Et c'est toute la différence entre les photos d'enfants et les photos des hommes, ils sont devenus des hommes. Et en même temps, ce qui m'a alors toujours surpris, c'est ce qu'on veut cacher le plus, c'est la seule chose qu'on montre au premier venu. C'est-à-dire le visage est nu et les mains, on les voit partout dans la rue. Mais c'est intéressant aussi que... La seule chose dans le visage qu'on domine le moins, c'est la bouche. Et c'est pour ça que j'ai fait des expériences dans le métro. Je regarde uniquement les bouches des gens. Alors là, vous avez... C'est une révélation, ce que vous voyez à travers la bouche. Parce que la bouche est encore l'endroit le moins caché par ce masque que nous sommes obligés de porter. Et le visage me passionne. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de portraits. Mais vous n'aimez pas faire poser et... Pourtant, est-ce que les écrivains, eux, ont tendance à vouloir poser? Il y en a. Oui. Il y en a. Il y a, par exemple, Gide a posé vraiment sous le masque Léopardi. Et il a mis c'est lui qui l'a voulu, ce masque? Ah oui. Où il y a Valérie. Alors, célèbre presque... photo, je la décris, nous sommes à la radio, on est obligés, parce qu'elle va sans doute revenir à la mémoire de beaucoup. Oui. C'est une photo de Gide appuyée sur sa main, et au-dessus de lui, les yeux mi-clos, et au-dessus de lui, un masque de Léopardi, également les yeux fermés, enfin, c'est évidemment, ça, masque aveugle. Oui, c'était et tout à, fait, tout à fait frappant, car il y a une ressemblance entre les deux têtes. Oui, c'est ce qu'on prétend. Mais naturellement, il y a des écrivains très conscients. Mais il y a un jour, je dis à Marcel Duchamp, qui était un très grand ami à moi, un homme extraordinaire, exquis, comme humain, un être humain, d'une humanité, d'une bonté extraordinaire. Je dis, Marcel, comment ça se fait que j'ai tant de difficultés de photographier des écrivains qui veulent toujours poser et je dois faire 1000 trucs pour qu'ils ne posent plus à un moment où la photo n'était pas encore instantanée, en plus. Et... les artistes, il me dit, parce que nous, ma chère, nous savons poser. Et les écrivains ne savent pas. Ah oui, car il vous fallait un temps de pause en plus. Enfin, vous étiez obligé de toute façon. Alors, voilà ce que j'ai fait, par exemple. Je me souviens toujours d'une très belle photo qui est très peu connue de Jules Supervielle, qui avait des mains extraordinaires. J'ai dit, Jules, citez-moi un poème. Mais quand j'ai dit, hâtez-vous, vous bougez plus une seconde. Et ce qu'il n'a pas cité, j'ai dit, clac. Et à ce moment, j'ai photographié. C'est très difficile. Et maintenant, j'ai aucune raison de ne pas raconter comme j'ai fait ces photos. Parce que il fallait trouver les moyens. Parce que j'avais un huitième de seconde au maximum, hein, parce que le film était faible, mais il était beaucoup meilleur qu'aujourd'hui. Et toutes les difficultés que j'ai dans ma vie, c'est les reproductions. Parce que chez moi, les visages, la peau est blanche, et elle est en général blanche, elle n'est pas brune. Et un jour, j'étais à Rochester, j'ai parlé avec Coda, que je dis, pourquoi maintenant les films sont faits? Parce que tout se fait, ça dépend comment on compose les couleurs. Alors, la peau devient brune. Il me dit, parce que les gens veulent être, avoir l'air, les gens veulent avoir l'air sain et de bonne santé. Et on est de bonne santé quand on est bronzé. Et vous, professionnels, c'est pas vous qui nous rapportez l'argent. Ce sont les millions et des millions d'amateurs. Voilà. Donc, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Et autrement dit, ces couleurs que font maintenant les grandes firmes remplacent un peu les retouches qu'il y avait à votre époque, au début de la photographie, où on arrangeait un peu les portraits. Ça revient à la même chose. Moi, j'ai jamais... une fois... D'ailleurs, je l'ai écrit dans un livre, Léon Paul Fargue. Je devais le photographier. Il dit, attendez un moment. Il s'est mis de la poudre blanche. Il avait un clown. J'ai tellement ri. J'ai fait les photos. Et quand, Fargue avait toujours un mot à dire. Il avait un esprit fou. Mais quand il a vu ses photos, il est resté muet. Je dis, écoutez, maintenant, je vais faire les photos de vous sans votre poudre. Et puis, ça sont des photos assez révélateurs, d'ailleurs, pour son caractère. Il avait très mauvaise langue. Mais c'était un merveilleux poète. C'était un très grand poète. Et un grand ami à vous. Aussi, oui, parce qu'il voulait m'entrer. Il dit, vous allez gagner de l'argent, je vais vous faire entrer dans les grandes maisons. Vous savez, il y avait la haute bourgeoisie qui recevait les artistes. Et là, vous allez trouver des clients formidables. Je n'ai pas trouvé beaucoup de clients parce que la guerre est venue, a interrompu tout mon travail et j'ai dû m'enfuir de Paris. Et quand on m'a dit, 24 heures, la Gestapo est là. Je suis parti à la campagne. J'étais caché un an et demi dans le Lot, dans un petit village. Je n'avais plus de film, plus rien. Et puis Victoria Ocampo, qui était la première dame d'Argentine, m'a invité en Argentine en 1938, ensemble avec Denis de Rougemont et Roger Caillois. Et on se regardait, on ne savait pas très bien où était Buenos Aires. Mais on s'est retrouvés tous les trois un jour là-bas. Alors là aussi, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent si j'avais voulu photographier les gens de la haute société. Et je dis à Victoria, non. Mais il le souhaitait. Ah oui, à part pur snobisme, puisque j'ai photographié des grands hommes, voilà. Peut-être. Alors moi, je dis, je ne suis pas venu ici pour photographier les gens de la haute société. Je veux faire connaître ton pays en Europe. Parce que j'étais encore si naïf que je croyais que la photographie pourrait servir à faire connaître les peuples entre eux, ce qui empêcherait les guerres. J'ai vraiment cru ça. J'étais vraiment naïf, mais je l'ai cru. Et je suis parti le lendemain en Patagonie. Et j'ai fait aussi un film là-bas parce que en vérité j'aurais voulu être cinéaste. Vous êtes à l'origine de la création de Magnum, on va le dire aussi, avec le grand Robert Capa et tous les plus grands. En 1947, on a fondé Magnum. Moi, je n'étais pas avec la fondation. Enfin, c'était Cartier-Bresson, c'était Rogers, c'était Capa, c'était 4 ou 5 photographes qui ont fondé une agence pour la raison que les agences nous exploitent toujours. On peut absolument pas savoir ce qu'ils vendent et ce qu'ils vendent pas. Et combien sont des crooks, comme on dit, des voleurs qui ont publié des choses sans nous dire, c'est-à-dire sans nous payer. Alors, c'est cette idée que Capa avait quand il a fondé Magnum. Et ça, c'était en 1947. Et en octobre 1947, j'ai fait déjà partie et j'appartiens aux meilleures années de Magnum, si vous voulez, pendant 7 ans. Et ça, c'est un aspect de votre métier auquel vous tenez beaucoup. Et ils n'ont jamais su mes portraits. Nous nous sommes partagés le monde. Un était spécialiste de l'Amérique du Nord, l'autre Afrique. Et puis moi, j'étais l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait le reportage sur Evita Perón. C'était la grande période des magazines, il faut le dire aussi. Ah oui, c'était l'époque où il y avait énormément de revues. Parce que les gens étaient enfermés, la France était enfermée comme ça. On voulait maintenant voir des choses nouvelles. Alors tout ce que j'avais fait en Amérique latine, je l'ai vendu facilement en France après aussi. Et alors, Capa, j'ai beaucoup appris par Capa et par Magnum. J'ai appris, quand on fait des reportages, il faut penser au pays, on veut les publier, chaque pays est différent. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses que je ne savais pas avant, en voyant les photographies des autres. Mais ce que je ne voulais pas faire, je ne voulais pas faire la guerre. Je ne voulais pas faire ce genre de choses. Vous n'avez jamais été correspondante de guerre? Non, je n'ai pas voulu. D'ailleurs... Alors que tous vos amis, justement, Capa, bien sûr... Mais Capa l'a fait parce que... Et on l'a obligé, pour ainsi dire. Et le jour où il voulait plus jamais faire la guerre, il est mort. Non. En Indochine. En Indochine, oui. Son pied a touché une mine. à un moment, rien ne se passait. Parce que ça l'ennuyait de rester sur la jupe. Il l'a devancé et son pied s'est posé sur une mine et il est mort quelques heures après. C'est affreux cette histoire-là. Et nous avons aussi perdu d'autres photographes pour d'autres raisons. Enfin, parce qu'au Pérou, c'est très dangereux parce que les gens mangent de la coca et un de nos grands camarades est mort là parce que la voiture est tombée dans un abîme. J'ai été plusieurs fois aussi menacé de mort dans des circonstances trop longues pour vous raconter, mais enfin, j'ai jamais eu peur parce qu'il y a des endroits où les Indiens ne veulent pas être photographiés et quand ils ont bu, hein, une femme blanche en plus, hein, ça n'était pas facile. J'ai fait beaucoup d'exploration. À cette époque, c'était de la vraie exploration. Aujourd'hui, justement, Saint-Jean-Perse m'a raconté un jour, j'ai pris l'avion pour aller à la Terre de Feu, mais ça n'existait pas quand moi je suis allé. Alors il fallait à cheval et c'était très difficile pour moi parce que je suis un enfant polio et le cheval se rendait compte que j'avais pas de force dans les hanches et est parti avec moi. Vous racontez qu'on vous attachait sur votre cheval même. Non, parce que vous n'aviez pas de force. Vous n'aviez pas de force dans les hanches. Parce que j'avais pas de force dans les hanches et il fallait une santé de fer que j'ai eue d'ailleurs. Et alors à cette époque, donc la photographie pour vous, c'était réellement, c'était quelque chose de très important, qui était un message que vous vouliez faire passer. Ben non, je ne veux pas passer de message. J'ai jamais pris au sérieux. Vous savez, je suis ce qu'on a mis un outsider. J'appartiens à aucun groupe. Je suis influencé par personne. J'ai jamais appris la photo à faire. Une fois, j'ai essayé d'avoir des leçons chez Man Ray. Quand il m'a demandé une somme qui correspondait à ce que je gagnais par mois, quand j'étais étudiante, parce que je faisais reportage, j'ai dit c'est pas possible. Mais après, nous sommes devenus des amis. Puis je suis allé chez Florence Henry. Après la quatrième leçon, elle m'a fichu dehors en disant « Vous ne serez jamais une bonne photographe parce que je ne voulais pas faire de la retouche et c'est ce que voulait m'apprendre. » Oui, mais voyez ce que vous dites sur le rôle de la photographie, sur votre espoir d'un petit peu changer le monde en faisant connaître d'autres pays. Mais j'ai eu cette naïveté. Je suis toujours encore très naïf. Mais ça, j'ai vraiment cru. Et c'est un leurre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, je crois, je suis à un âge où on ne peut rien transmettre à une autre génération. Extrait de Mémoire du siècle, Gisèle Freund, photographe par Dominique Rousset. Réalisation André Petit, première diffusion sur France Culture le 6 août 1985. J'ai en train de me poser la question. C'était France Culture, 50 ans de radio. Philippe Garbi, Emmanuel Laurentin. Ça ne s'oublie pas. La création. L'ombre vole, le ciel vole, chapeau vole, et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Demain, nous poursuivons notre semaine sur la création en vous proposant trois moments de recherche et de création sonore à France Culture. Documents Ina, Hervé Evano, Sophie Gillery, Aude Vassant, Véronique Jolivet. Prise de son Claude Niort, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr à la page de l'émission durant 1000 jours et la télécharger pendant 15 jours.